J'veux encore une seria, j'veux encore une seria. J'suis en dégaine en voiture de luxe, de la beuh dans la Seuma. C'était nous sur la nationale, c'était nous sur la nationale. J'passe à Marseille dans le 15-16, j'ai pas eu le temps pour la ciota. Elle tourne la société, purple comme Manchester City. Une sortie à fêter, si si, le placard ça va si vite. Bah t'as le EG, Satan, j'vais me louer le I8. Trop tenté par Iblis, vite vite pour l'oseille, ça dit oui. Affolé par l'oseille, la peu froid c'est jamais gratos. Je finis la bouteille, je teste le nouveau Gamos. J'ai pas dormi la veille, je fais les sommets puis ciao. Je finis la bouteille, je teste le nouveau Gamos. Bah ouais, bah ouais, on est gang, toi tu dors toute l'année. Bah ouais, bah ouais, ça rend dingue la monnaie pour me calmer. Mec, ici c'est danger. Du pilon à ranger, papier à manger. Tu connais le danger. Dangerous, ça fait partir songer. Sans penalty, on va pas trembler. Je voulais que la peur, tu l'attendais. 10 000 euros, je suis pas comblé. Y'a des boucs près de la zombie. Et des soldats qui vont tomber, bouteilles de gombe. Et si tu veux, je t'emmène sur Paname. Mais j'ai déjà bougé pour ce soir, désolé, tu n'as pas la balade. Affolé par l'oseille, la peu froid c'est jamais gratos. Je finis la bouteille, je teste le nouveau Gamos. J'ai pas dormi la veille, je fais les sommets puis ciao. Je finis la bouteille, je teste le nouveau Gamos. Bah ouais, bah ouais, on est game, toi tu dors toute l'année. Bah ouais, bah ouais, ça rend dingue la monnaie pour me calmer. On a vendu tous les bons qu'on lit. Je passe en ville donc tu me reconnais. Plus elle est pas en ennui. Bientôt elle me prend pour un gros bonheur. J'ai l'appareil.